Moïse et Darwin. L'homme de la jeunesse comparé à l'homme singe, ou l'enseignement religieux opposé à l'enseignement athée, par le docteur Constantin James. Édition Blood et Barral 1882. Mélange. Les articles que l'on va lire, et que nous avons cru devoir réunir ici sous forme de mélange, rentrent moins directement que ceux qui précèdent dans le sujet que nous traitons. Et cependant ils s'y rattachent également, en ce qu'ils ont surtout pour objet de répondre à certaines attaques dirigées contre tout ce qui est croyance. Sous ce rapport, bien qu'ils aient déjà paru une première fois aux époques où se passaient les événements auxquels ils se rapportent, ils n'ont rien perdu pour cela aujourd'hui de leur actualité. Ces articles ont pour titre « Les décrets du 29 mars et les hôpitaux, l'expulsion des religieux de leur couvent, Lourdes et ses miracles, les hallucinés et les hallucinés de Monsieur Renan ». Les décrets du 29 mars et les hôpitaux. Cet article apparu en mai 1880. L'autorité s'occupe très activement d'appliquer les décrets du 29 mars aux hôpitaux de Paris, en d'autres termes, de les laïciser. Le procédé pour cela est bien simple. Il consiste uniquement à en éliminer le personnel religieux, clérical, que représentent les aumôniers et les sœurs. C'est là, paraît-il, une mesure de haute police et de sûreté gouvernementale, que commande impérieusement la raison des États. Je dis soit, c'est qu'en cas d'opposition ou de résistance légale de la part des victimes, soyez sûr qu'on saura toujours trouver à leur usage quel carré de conflit. Qu'il me soit permis, toutefois, d'exposer à messieurs nos élites les raisons pour lesquelles je voudrais voir ajourner indéfiniment l'exécution des fameux décrets. Chacun sait les soins de toute nature que les malades reçoivent dans les hôpitaux. Rien n'y manque. C'est au point que la vue des salles si parfaitement tenues qu'on montre aux visiteurs à titre de spécimen n'en donne qu'une faible idée. Il faut, pour bien s'en rendre compte, en avoir été témoin soi-même. Comment, dès lors, s'expliquer l'extrême répugnance qu'inspire au plus grand nombre la perspective d'entrer à l'hôpital? Beaucoup, cependant, y trouveraient, en plus des ressources médicales fort au-dessus de leurs moyens, un bien-être, voire même un confortable inconnu à la classe à laquelle ils appartiennent. Cela est vrai. Seulement il leur manquera toujours ce quelque chose que rien ne saurait remplacer, car il fait partie intégrante des affections de notre être, et qu'on nomme la famille. Il leur manquera d'autant plus qu'il semblerait que l'administration s'évertue à maintenir ses pensionnaires dans un état d'isolement voisin de la séquestration. Jugez-en plutôt, les parents, les amis, les proches, ne sont autorisés à venir voir les malades que deux fois par semaine, le dimanche et le jeudi, et seulement entre 1h et 3h. En dehors de ces jours et de ces heures, l'entrée des salles leur est interdite. Sous ce rapport, les règlements sont formels. Ainsi, sur les 7 jours dont se compose la semaine, 2 seulement sont réservés aux familles. Pourquoi cette exclusion des 5 autres ? Note. On peut, il est vrai, pour les grands malades, obtenir la faveur de les visiter ces jours-là, mais seulement entre 1h et 3h, jamais à un autre moment de la journée. Fin de la note. Le service, assure-t-on, en souffrirait, mais ce n'est qu'un prétexte, car enfin il n'en souffrirait pas plus que les dimanches et les jeudis où tout, au contraire, se passe parfaitement. Donnons-en la raison vraie, c'est qu'il en résulterait pour le personnel de l'administration un surcroît d'assiduité et de surveillance. Mais vous n'avez donc pas songé de quel prix les pauvres malades vont payer ces restrictions basées sur des calculs égoïstes. Voici, par exemple, Une mère qui vient passer près de sa fille, dévorée par la fièvre, les 2 heures que vous lui accordez avec tant de parcimonie. Arrive le moment où il lui faut la quitter, mais déjà peut-être elle a reconnu sur ses traits l'empreinte de la mort. Qu'importe, elle ne pourra même pas, dans une suprême étreinte et un dernier baiser, lui dire au revoir, car nul doute que tout ne soit consommé quand la porte de la salle lui sera de nouveau ouverte. Elle s'éloigne donc, elle aussi, la mort dans l'âme. Qui pourra dépeindre ses anxiétés, ses angoisses? Et quoi? Refuser à une mère de venir fermer les yeux de son enfant. Mais ce genre de faveur, on l'accorde aux exilés, on l'accorde aux proscrits, on l'accorde même aux assassins. C'est en partie dans ce but que les sauf-conduits ont été inventés. Tout cela est exact. Seulement la consigne est là, inflexible, inexorable. Lisez plutôt l'inscription gravée dans la partie la plus apparente du vestibule, inscription qui ne rappelle que trop celle de l'enfer de Dante, les bureaux sont fermés. Les bureaux sont fermés, hélas, les cœurs le sont bien davantage encore, heureusement ils ne le sont pas tous. Transportez-vous par la pensée près de la jeune fille dont la mère est absente. À ses côtés se tient une femme qui l'encourage, la fortifie, la console. Cette femme, ai-je besoin de le dire? C'est la religieuse de la salle. L'enfant l'appelle ma mère, elle appelle l'enfant ma fille, touchante fiction qui, par l'intimité des épanchements, est bien près d'atteindre la réalité. Mais ce n'est pas assez pour la pauvre délaissée d'avoir retrouvé les caresses d'une mère, il lui faut aussi la bénédiction paternelle. Cette bénédiction, elle l'aura. À la religieuse succède l'aumônier, lui également a une mission à remplir, mission plus élevée quant au but, mais aussi touchante par la forme, s'adressant à l'âme de la jeune fille. Il la dégagera peu à peu de ses liens terrestres, pour l'initier par anticipation aux jouissances d'une vie meilleure, substituant ainsi des idées heureuses et riantes aux lugubres images de la réalité. Comment ne reconnaîtrait-elle pas à ce langage les sentiments et la présence d'un père? Aussi, que son cœur battra doucement quand elle sentira la main du prêtre s'étendre sur elle pour la bénir. Tel est le rôle de ceux que vous appelez dédaigneusement le personnel clérical des hôpitaux, et c'est ce personnel que vous avez à cœur de supprimer. Mais alors, puisque vous enlevez ainsi à la jeune fille, et si je parle de la jeune fille plutôt que de tout autre malade, c'est que je l'ai prise tout d'abord pour type, puisque, dis-je, vous lui enlevez ainsi son père et sa mère d'adoption. Restituez-lui au moins son père et sa mère véritables, en d'autres termes, ouvrez à double battant la porte des hôpitaux et rendez-en l'accès complètement libre aux familles. N'est-ce pas d'ailleurs ce qui existe dans les maisons tenues par les cléricaux, dans celles, par exemple, des frères de Saint-Jean de Dieu de la rue Oudinot? Note. Puisqu'il s'agissait de réformes à opérer dans les hôpitaux, n'aurait-on pas pu, au lieu de les laïciser tout à fait, les cléricaliser? Quel jargon, davantage, les malades n'auraient pas été les seuls à y gagner, et à y gagner beaucoup. Fin de la note. Mais, répondrez-vous peut-être, on méconnaît et on dénature nos intentions. Il n'est nullement question de supprimer les aumôniers, nous voulons seulement tempérer leurs ailes. Quant aux sœurs, si nous les remplaçons par des surveillantes laïques, c'est que le laïcisme est plus dans nos institutions. Seulement nous saurons faire nos choix, et dans la femme les malades retrouveront également la mère. C'est bien cela, n'est-ce pas? Laissez-moi vous répondre à mon tour. Et d'abord, pour ce qui est des aumôniers, vous parlez de tempérer leurs ailes. Mais c'est précisément l'ardeur, J'ai presque dit, l'intempérance, de ce zèle, qui fait leur vertu et leur force. Dès l'instant où vous les réduisez au rôle de fonctionnaires sans initiative, vous annihilez leur ministère, c'est leur suppression, moins le mot. Quant aux sœurs que vous remplacerez par des surveillantes, je n'ai rien à dire de ces dernières, puisque je ne les connais pas encore. Je me contenterai simplement d'invoquer certains précédents, à titre d'induction. Pendant que je demeurais comme interne à la Salpêtrière, c'était en 1837, l'hôpital de cette époque était laïcisé en ce sens qu'au lieu de religieuses pour diriger le service, c'était des surveillantes. Celles-ci, conformément à votre programme, formaient un personnel de choix. Seulement si, avant de les admettre, on eût soumis leur précédent à une enquête, on aurait vu qu'en fait de titre elles en avaient surtout à l'exclusion. Ainsi la plupart, avant d'entrer en fonction, avaient déjà mérité l'épithète de mère, que, vous revendiquez pour elles, malheureusement, c'était d'une maternité interlope. Mais enfin les voici à l'œuvre. Ici encore, je le crains bien, la comparaison ne sera pas à leur avantage. En effet, tandis que les sœurs, suivant l'expression consacrée, que du reste elles justifient pleinement, brûlent du feu de la charité, nos surveillantes de la Salpêtrière, celles d'alors, bien entendu, brûlaient au contraire d'un feu qui n'avait rien de commun avec celui-là. Ce feu, à en juger par certains épisodes qui n'eurent que trop de retentissement, se serait rapproché davantage de celui qui, dans leur première jeunesse, leur avait servi à rôtir le balai. Serait-ce donc parmi ce bataillon d'élite que vous vous proposeriez de recruter les vestales destinées à remplacer les sœurs des hôpitaux? Hélas, depuis que ces lignes ont paru, les décrets ont reçu leur application, et c'est, effectivement à ce bataillon d'élite qu'on a emprunté surtout les nouvelles recrues. Hâtons-nous d'ajouter, à l'honneur du corps médical, que tout ce que le personnel des hôpitaux compte de plus éminent parmi les médecins et les chirurgiens a protesté avec autant d'indignation que d'énergie contre ces funestes mesures, où la passion politique et la haine anti-religieuse ont étouffé la voix de l'humanité. De l'expulsion des religieux de leur couvent. Cet article apparu en octobre 1880. Tout est consommé. Les décrets du 29 mars ont été exécutés partout en France et partout les couvents ont capitulé. Je dis capitulé, c'est qu'effectivement il a fallu, pour en forcer l'entrée, se servir manu militari et, pour en expulser les religieux, recourir aux violences corporelles. Ce sont donc là autant d'événements passés, l'état de ce qu'on appelle les faits accomplis. Pour combien de temps, l'avenir seul en décidera. En tout cas, mon intention n'est point d'y revenir, n'ayant à apporter aucun document nouveau, et surtout étant resté simple spectateur de la lutte. Seulement ce rôle de spectateur me donne, comme aux adversaires des communautés, le droit, dont ils ont usé si largement, de juger les coups. C'est ce droit que je viens exercer ici, beaucoup moins au point de vue de mes appréciations personnelles, qu'il me paraîtrait superflu de formuler, qu'au point de vue des critiques dirigées contre l'attitude des religieux lors de l'invasion de leur couvent. Ces critiques peuvent être ramenées aux suivantes, en murant leurs portes, qu'ils n'étaient pas décidés à défendre, ils ont simplement montré un courage de parade. En réunissant autour d'eux les hauts dignitaires de l'Église et les notables de l'endroit, ils ont visé à des effets de scandale. En se laissant saisir au collet, alors qu'ils savaient qu'on n'irait pas plus loin, Ils ont joué au martyr. Enfin, en excommuniant leurs persécuteurs, ils se sont donné le ridicule d'user d'armes qu'ils savaient d'avance être émoussées. Voilà bien les critiques, pour ne pas dire les sarcasmes, dirigés contre les religieux. Il nous sera facile d'y répondre. En murant leurs portes, qu'ils n'étaient pas décidés à défendre, ils ont simplement montré un courage de parade. Mais il n'a jamais pu être question d'une lutte de la nature de celle où le sang coule, il s'est agi uniquement d'une lutte sur le terrain de la légalité, et, par suite, de la pénalité. Or, l'agent qui se contente d'intimer l'ordre d'ouvrir une porte et qui pénètre par cette porte ouverte ainsi sans violence commet un acte moins grave que celui qui en fait crocheter la serrure, moins grave que celui qui l'a fait enfoncer à coups de hache. La gradation dans les moyens de défense adoptés par les religieux n'était donc pas de leur part une vaine parade, puisqu'elle aggravait dans une même proportion les moyens d'attaque, et par conséquent la responsabilité de l'agresseur. Ceci est si vrai que, parmi les instruments, même passifs, chargés de l'exécution des décrets, beaucoup se sont refusés au crochetage des serrures et un plus grand nombre à l'enfoncement des portes. Puis, si les religieux n'avaient pas rendu l'effraction indispensable, qui vous garantit que, plus tard, quand l'heure des revendications aura sonné, les principaux coupables n'iraient pas se prévaloir de leur modération relative, disant qu'ils se seraient contentés de la menace, mais n'auraient jamais été jusqu'à l'exécution. En réunissant autour d'eux les hauts dignitaires de l'Église et les notabilités de l'endroit, ils ont visé à des effets de scandale. Ce second reproche n'est pas plus fondé que le précédent. La présence des hauts dignitaires de l'Église était tout à la fois une réponse à ceux qui prétendaient opposer le clergé séculier au clergé régulier, et une approbation donnée à l'attitude des religieux par leurs supérieurs. Elle avait donc sa double raison d'être. La présence des notabilités de l'endroit n'était pas moins justifiée. Elle prouvait aux religieux qu'ils avaient les sympathies de la partie la plus éclairée et la plus saine de la population. Elle leur fournissait de plus, par la constatation juridique des faits de la part de témoins compétents, des titres légaux pour l'action qu'ils se proposaient d'intenter plus tard devant la justice à leurs persécuteurs. Le scandale, car il a atteint des proportions énormes, le scandale n'a donc pas été le calcul prémédité des hommes, mais la conséquence obligée des actes. En se laissant saisir au collet, alors qu'ils savaient qu'on n'irait pas plus loin, ils ont joué au martyr. Ainsi, d'après vous, s'exposer volontairement à être saisi au collet est chose si peu sérieuse, que c'est ce qu'on peut appeler jouer au martyr. Étrange jeu que celui-là. Mais songez donc que du collet au visage la distance n'est pas grande. Or, frapper quelqu'un au visage, ou en faire simplement le simulacre, apparut de tout temps le plus sanglant des affronts. Honte à qui pourrait en douter. Plusieurs papes sont morts martyrs, et l'histoire s'est abstenue généralement de mentionner le nom de leur meurtrier, mais un pape a été souffleté. Note. Boniface VIII. Arrêté dans Anani, sa ville natale, par Guillaume de Nogaret, d'après les ordres de Philippe le Bel, il fut lâchement frappé au visage par Sierra Colonna, membre indigne et à jamais flétri de l'illustre famille de ce nom. Fin de la note. Aussitôt l'histoire d'enregistrer le nom de son insulteur et de vouer ce nom à l'infamie, Aussi s'est-il transmis d'âge en âge dans la mémoire de tous. Qui de nous ignore le nom de Sierra Colonna? Ne parlez donc plus de comédie. Jamais, au contraire, mortification plus cruelle ne fut infligée à un homme de cœur. Ils l'ont senti d'autant plus vivement, ces religieux, qu'ils comptent dans leur rang plus d'un personnage éminent ayant vécu dans le monde et, parmi ceux-ci, d'anciens militaires, qui, tout en endossant le froc, n'en ont pas moins conservé intact l'orgueil et la susceptibilité de l'épaulette. Enfin, en excommuniant leurs persécuteurs, ils se sont donné le ridicule de se servir d'armes qu'ils savaient d'avance être émoussées. Vous appelez cela des armes émoussées, mais d'abord c'étaient les seules qu'ils puissent employer, et, puisque vous le saviez vous-même, il est peu généreux à vous, qui aviez mis sur pied tout un attirail de guerre, de rire ainsi du tel homme imbel du prêtre et du vieillard. Puis, êtes-vous bien sûr que ces armes soient aussi émoussées que vous affectez de le croire, ou du moins de le dire? Sans doute les blessures qu'elles font ne sont pas de celles dont la gravité se traduit par des signes extérieurs, il pourra même se faire que celui qui les reçoit n'en ait pas dans le moment la conscience. Mais laissez la passion se refroidir et la réflexion lui succéder. Combien alors commenceront à ressentir les atteintes de ce châtiment redoutable, de tout le plus cuisant, qu'on appelle le remords. C'est que, lors même qu'ils seraient parvenus à s'étourdir au milieu du tourbillon du monde et des affaires, il arrivera toujours un moment où il leur faudra faire un retour sur eux-mêmes, c'est celui où ils sentiront leur fin approcher. Ils comprendront alors, car ils se réveillent toujours à cet instant suprême quelque étincelle de foi, ils comprendront alors les conséquences terribles de l'excommunication qui les a exclus de la grande famille chrétienne. Note. Depuis plus de 40 ans que j'exerce la médecine, je n'ai jamais vu de malade, à part certaines natures bestiales, refusées, au lit de mort, l'assistance d'un prêtre. Les plus hostiles finissent, par céder, ne fût-ce qu'à la douce pression de la famille, que la mort du réprouvé jetterait dans un inexprimable désespoir. Fin de la note. Ce n'est pas tout, que la mort vienne à les surprendre avant que, par l'aveu et le pardon de leurs actes sacrilèges, ils se soient réconciliés avec Dieu, comment dépeindre les scènes de désolation qui suivront, et dont les acteurs ne seront autres peut-être que la mère, l'épouse, l'enfant? Malheur, oh, malheur à celui que l'Église a retranché de son sein. J'en ai fini avec l'examen que je m'étais proposé de faire de l'attitude des religieux pendant l'invasion de leur demeure. Oui, cette attitude a été digne, a été ferme, a été noble. Ils ont fait, comme hommes, tout ce que leur commandait leur caractère de citoyens libres, et ont montré que, comme prêtres, ils savaient, mieux que personne, pratiquer la religion du devoir. Markendanarchive.org, 2022. D'après Gallica BNF-FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.